بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, on va parler de différentes questions liées au djihad, fi sabilillah. La première question, c'est peut-être la plus importante, c'est une question liée à la cause pour laquelle le muslim pratique cette ibadah, cette adoration qu'est le djihad, fi sabilillah, subhanahu wa ta'ala. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يغبخ كان بدوان venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui a dit au messager d'Allah, la personne combat pour al-maghnam, c'est-à-dire pour al-ghanima, pour le butin de guerre. La personne combat pour qu'on parle de lui, pour qu'on dise fulan shuja, fulan mujahid, etc., etc., comme on voit dans notre hadith. Au Firiwa, yuqatilu shaja'a. Certains combattent par quoi? Par courage, par simple courage. Allah il a mis dans leur fitra comme quoi, et ça arrive, des gens qui aiment la guerre, qui aiment l'iqdam, qui ont. Par courage. Ou yuqatilu hamiya. Ils combattent soit par fanatisme, soit par attachement à la patrie, soit par attachement à son peuple, soit par colère, c'est-à-dire par colère par rapport, par exemple, ceux qui disent on est en colère parce qu'ils ont violé les sœurs, etc., etc. Ça peut éventuellement rentrer dans ça. Faman fi sabilillah, qui est dans le sentier d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il lui a dit Man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, il est dans le sentier d'Allah. Subhanahu wa ta'ala muttafaqun alayh. Ce hadith il nous montre clairement pourquoi la personne il doit faire le jihad fi sabilillah. Et on sait que niya, c'est parmi les choses les plus dur à dompter. Donc la personne, lorsqu'il va partir au qital, la personne, lorsqu'il est dans le ma'araka, il doit tout le temps tesdi de niya. Tu combats pour élever la parole d'Allah. Pour que la parole d'Allah ait gouverné la terre et pour anéantir le kofr. Et on va voir dans ce qui suit. Et puis encore que cela, le hadith, an Abi Kabshat al-Ansari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pardon, c'est pas le hadith d'Abu Kabsha, je me souviens plus du rapporteur. Awwal man tusa'aru bihim an-nar. Les premières personnes qu'on envoie en enfer. Ces gens-là, ils iront en enfer avant les Tawarit. Ils iront en enfer avant les Nusayriya. Ils iront en enfer avant les Rawafid. Ils iront en enfer avant les Zanadiqa. Ils iront en enfer avant tout le monde. Awwal man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah. Les premiers. Et ces trois personnes, c'est qui? Un alim. Une personne qui a fait beaucoup de sadaqat et un mujahid. C'est ni des tawarit, c'est ni des munafiqin, c'est ni des zanadiqa, c'est ni de quoi. C'est trois personnes. Alim, mutasaddiq, mujahid. Et le mujahid, il est parti au djihad, liyuqala jari. Pour qu'on dise, il est courageux. Waqadqil. Et les gens, ils l'ont dit. Fayusar bihim bihi annar. On le précipite en enfer. On as'al Allah al-afiya. Et dans le hadith, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار. Le jour de Khaybar, les gens ils comptaient les shuhada, on le fait souvent. Un tel shahid, un tel shahid, un tel shahid, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah. Non. Je l'ai vu dans le feu de l'enfer. Inni ra'aytuhu finnari fi burdatin ghallaha aw aba'a. Rawahu Muslim. Il l'a vu en enfer, pourquoi? Pour un manteau qu'il a pris en rouloul. Wal rouloul wal akhdhu min al ghanimati qabla al qisma. Al rouloul, c'est quoi? C'est le fait de prendre de la ghanima avant qu'elle soit partagée selon la sharia. Avant que l'imam ait pris le khoms et avant qu'elle soit divisée de manière shar'i pour celui qui est venu avec une monture deux parts, pour celui qui est venu sur ses pieds une part. Si la personne y prend de l'ghanima avant et y cache, on appelle ça al-ghuloul. Et al-ghuloul, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas dit ça, mais c'est ce que ça veut dire, comme quoi c'est un empêchement parmi les empêchements de la shahada. La shahada, elle n'est pas du tout assurée pour celui qui est sorti au jihad. Elle n'est pas assurée pour celui qui a fait l'iqtiham. Elle n'est pas assurée pour celui qui est tombé sur le champ de bataille. Si jamais il y a ce péché-là, qui est al-ghuloul. Nasallahu alayhi wa sallam. Parmi les causes pour laquelle la personne il sort et il combat dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahu fi sabilillah. Dans un verset qui illustre en fait ce hadith, il a dit: wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Et combattez-les pour qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement pour Allah. Dans les deux sens, la personne, le verset et le hadith, ils ont le même sens. La personne, il doit combattre pour élever la parole d'Allah sur la terre, et il doit combattre, et il doit combattre pour anéantir le fitna, pour qu'il n'y ait plus de fitna. Qu'est-ce que le fitna? Elle nous a expliqué dans un autre verset, dans surat al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Combattez-les où que vous les trouviez. Et sortez-les ou expulsez-les de là où ils vous ont expulsé. Et al-fitna est pire que le meurtre. Les ulama, ils ont parlé du sens de ce verset pour illustrer le sens de la fitna. Le sens de la fitna pour lequel... Enfin, la fitna... On a vu que le musulman combat pour qu'il n'y ait plus de fitna. Donc il faut savoir qu'est-ce que la fitna contenue dans ce verset. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il nous donne l'échelle des valeurs que doit avoir le musulman. L'échelle des valeurs que doit avoir le musulman lorsqu'il dit « Wal fitnatu ashaddu min al-qatl » et la fitna est pire que le meurtre. Mujahid, radiyallahu anhu, rapporte parmi les savants de Tabi'in, les élèves d'Ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit: irtidad al-mu'min ila al-wathan ashaddu alayhi min al-qatl. Le fait que le croyant retourne et apostasie et retourne à l'adoration des idoles est pire que le meurtre. Wa an qatadata rahimahullah qal wal fitnatu ashaddu min al-qatl ash-shirku ashaddu min al-qatl. Le shirk est pire que le meurtre. Et c'est rapporté de Rabi' ibn Anas, de Dahhak, de Ibn Zayd. Les ulama, ils ont dit, comme le cheikh Abu Abdullah al-Muhajir dans son livre Masail Mifiqh al-Jihad, c'est le cheikh d'Abu Mus'ab al-Zarqawi, فَنَصَّ تَعَالَ عَلَىٰ أَنَّ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ شَدَّ فِي شَرْعِهِ وَدِينِهِ مِنَ الْقَتْلِ. Allah, il a établi dans son texte ici, le Très-Haut, que la mécréance et le shirk sont pires dans sa législation, dans sa religion, que le meurtre. وَهَذَا نَصٌ فِي تَقْدِيمِ حِفْظِ الدِّينِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ الضَّرُورِيَاتِ الْأَرْبَعِ. Et c'est un texte clair sur le fait que le fait de préserver la religion de la personne, et c'est pour ça que le jihad a été prescrit, passe avant le fait de préserver les autres nécessités sur lesquelles que le dîn préserve, et entre autres, an-nafs, la préservation de l'âme. Un autre verset vient nous expliquer cela. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui dit: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Il te demande à propos du fait de combattre pendant les mois sacrés. dit combattre dans les mois sacrés est grave. Mais le fait d'obstruer le sentier d'Allah, de mécroire en lui et d'empêcher les gens d'atteindre la mosquée sacrée et d'en expulser ces gens est pire auprès d'Allah. Wal fitnatu akbaru min al-qatl. Et la fitna est pire que le meurtre. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit wa tamam al-wara' an ya'lamu al-insanu khayrul khayrayn wa sharru ash-sharrayn wa ya'lamu anna ash-shari'ata mabnaha 'ala tahsil al-masalih wa takmilaha wa ta'til al-mafasid wa taqlilaha. Ici, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il nous explique que l'homme, il aura réellement atteint la piété, et le wara', la crainte révérentielle d'Allah, azza wa jal, lorsqu'il sera le meilleur des deux biens, et qu'il connaîtra le pire des deux mal. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'échelle des valeurs pour le musulman. Qui sache que le fait d'établir le tawhid sur la terre en combattant dans le sentier d'Allah et de combattre le shirk et le kufr et de tuer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'un des meilleurs biens qui peut être fait sur cette terre. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit à propos de cela: وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ مِنْ قَتْلِ النُّفُوسِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي صَلَاحِ الْخَلْقِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé de tuer des âmes, des hommes que pourtant il a créés, que pourtant il a élevés en les mettant parmi le béni Adam. Et il a interdit de tuer l'homme. Mais il a permis à Allah Azza wa Jal de tuer ces hommes, pourquoi ? Pour réformer la création. C'est-à-dire que sur cette terre, il y a des gens qui meurent parmi les shuhada, et il y a des gens qui sont tués parmi les ennemis d'Allah, mais aussi parmi les pécheurs qui sont tués à cause de leurs péchés. Et tout ça, c'est pour une cause, c'est quoi ? Réformer la création. Que le bien soit établi sur cette terre. كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل. كما الله عادي إلى فتنة pire que le meurtre. أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. ابن تيمية رحمه الله il a expliqué le verset en disant quoi? Il y a dans le meurtre un mal et une corruption sur la terre, sans aucun doute. Tout le monde sait qu'à la base le meurtre c'est mal. Mais la mécréance, la fitna, la tentation des mécréants est plus grande en mal et en corruption que le fait de les tuer. Donc Allah Azza wa Jalla, il a fait passer le meilleur des deux biens et il a fait passer le pire des deux mal. Et le cheikh Sulaiman ibn Sahman rahimahullah ta'ala, il nous explique cela et il approfondit lorsqu'il dit: ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب وما هو سبب الإلفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف وما يحقن الدماء سببا لسفكها كالذين قال الله فيهم وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Il dit, lorsque l'islam est redevenu étranger, comme il était étranger lorsqu'il est apparu, les ignorants, ceux qui ignorent l'islam, ils ont cru que ce qui était une cause de miséricorde était en réalité une cause de châtiment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jihad fi sabilillah, le fait que littéralement les gens s'entretuent, les guerres civiles entre guillemets, le fait que les gens meurent, qu'il y ait du deuil, etc., etc., c'est une cause de miséricorde. Sans ça, on l'a vu dans la parole précédente d'Ibn Taymiyyah, la création ne sera jamais réformée. Le bien ne se répandra jamais sur la terre. Et le mal ne disparaîtra jamais de la terre. Et le pire, le meilleur des biens, vous le savez, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et le pire des mal, vous le savez tous, c'est le shirk à Allah subhanahu. Et ils pensent que ce qui rassemble les gens et fait le groupe est en réalité une cause de division et de divergence. Comme quand tu dis aux gens, suis le tawhid, et ils pensent qu'à cause du tawhid, tu vas rendre les gens mécréants, tu vas diviser dans ta propre famille, tu vas, etc., etc. Et que suivre la sunna, c'est ça qui divise les gens, et pas qu'il y ait des sectes égarées, etc., etc. Et ils ont pensé que ceux qui préservent le sang est une cause de la ceux qui préservent le sang, oui, est une cause du fait que le sang coule. Par exemple, ceux qui pensent à notre époque que le fait de lapider la femme adultère, c'est un grand mal, c'est grave. Ou le fait que tuer les apostats, c'est une cause de de faire couler le sang, alors qu'en réalité ce sang il est répandu pour que d'autres sangs soient préservés et pour que l'islam gouverne la terre et que ce ne soit pas le jugement du Tarout qui lui fait verser le sang injustement. Et il dit plus loin, Cheikh Ibn Sahman, وَالْفِتْنَةُ هِيَ الْكُفْرِ, après qu'il ait cité le verset dont on parle depuis tout à l'heure, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, il dit وَالْفِتْنَةُ هِيَ الْكُفْرِ فَلَوْ اِقْتَتَلَتَ الْبَادِيَةُ وَالْحَاضِرَةُ حَتَّى يَذْهَبُوا لَكَانَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ يُنْصَبُ فِي الْأَرْضِ طَاغُوتًا يَحْكُمُ بِخِلَافِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il dit quoi? Si les bédouins et les gens, les sédentaires, c'est-à-dire si tous les gens s'entretuaient, cela serait moins pire devant Allah que le fait qu'ils mettent sur la terre un tarout qui juge en dehors de la charia de l'islam avec laquelle a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que depuis tout à l'heure on parle de l'échelle des valeurs pour le musulman. Le fait que le sang coule, c'est grave, mais le fait que le shirk soit sur la terre et que le tarout gouverne la terre avec sa loi, c'est bien plus grave que de faire verser le sang même de l'humanité tout entière. Et s'il fallait faire verser le sang de toute l'humanité, ça serait moins grave que le fait qu'un seul tarout gouverne ne serait-ce qu'un seul kilomètre carré de la terre d'Allah Azza wa Jal qu'il a créé pour que ça soit sa loi qui la gouverne. وَمَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et c'est pour ça que le musulman combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, et c'est ainsi qu'il est dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le Cheikh Abu Abdullah al-Muhajir, faqahullah, fa'a'adhamu fitnatin tuzra biha al-ard hiya al-kufru wa shirku bita'bidi al-ibadi li ghayri al-ma'boudi al-haq. La pire fitna sur cette terre, c'est la mécréance et le fait que les gens soient des esclaves d'un autre que celui qui mérite seul l'adoration. Wa ussu dhalika al-akbar an takuna ad-dawla wa as-sawla lit-taghuti wa hizbi. Et le pire de cela, c'est que l'État et la force soient pour le Tarout et pour les gens du Tarout. Et toutes ces paroles, il le cite le Cheikh avant de parler d'une question importante qui concerne beaucoup de frères qui sont dans le djihad. On a vu beaucoup de débats par rapport à cette question. C'est la question de Tours. La question de Tours ou la question de Tatarrus, c'est quoi? C'est le ulema qui ont dit, si jamais les kuffars qui sont en combat entre les musulmans, contre les musulmans, ils mettent devant eux des boucliers humains. Ils mettent devant eux des boucliers humains. Que dire en plus si ces boucliers humains sont des musulmans ou des femmes et des enfants parmi les kuffars, ou qui se trouvent dans les endroits des kuffars mélangés avec eux, des musulmans? Cette question-là, elle est extrêmement présente à notre époque, puisque ça fait partie des tactiques des kuffars, comme l'ont dit plusieurs chouyours parmi les chouyours des mujahidines, de se mélanger aux musulmans, ou de prendre avec eux certains musulmans, pour justement annuler le djihad, ou pour se préserver, du quoi? Des épées des muahidines. Et les ulama, ils n'ont pas laissé cette chose-là de côté, ils en ont parlé dans le livre de fiqh, dans les quatre madhab. Parmi ce qu'ont dit les gens du madhab de Abu Hanifa, ce qu'a dit Sharh al-Hidayah, qui fait partie des plus grands livres de Al-Ahnaf, il dit à propos de Tours, وَإِن تَتَرَّسُوا بِالصِّبْيَانَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْأَسَارَ لَمْ يُكَفُّ عَنْ رَمْيِهِمْ وَيَقْصُدُونَ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارِ. Si jamais les mécréants mettent devant eux des boucliers humains parmi les enfants des musulmans ou parmi les prisonniers des musulmans qu'ils ont parmi eux, on n'arrête pas de leur tirer dessus. Et on a l'intention de quoi? De tirer. On prend l'intention de tirer sur les kuffars. Aujourd'hui, à notre époque, lorsque l'haoun est utilisé, ou les grades sont utilisés, ou d'autres que ça parmi les armes, la personne ne va pas s'arrêter de bombarder parce qu'il se peut que dans telle ville, il y ait des musulmans. Il va continuer à bombarder et il met dans son intention de quoi? De tuer les kuffars. Et ils expliquent les ulema en disant « وَلَا بَأْسَ بِرَمْيِهِ مِنْ كَانَ فِيهِ مُسْلِمْ أَسِيرًا أَوْ تَاجِرٍ لِأَنَّ فِي الرَّمْيِ دَفْعُ الضَّرَرِ الْعَامِ بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ولأنه قل ما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره لن سد بابه. Et ils disent, les ulama, ils disent quoi? Il n'y a pas de mal à tirer à ce moment-là, même si parmi eux, il y a un musulman prisonnier ou un musulman commerçant. Il dit, car ce fait de tirer sur ces gens-là, c'est pour repousser un mal qui concerne toute la communauté. C'est-à-dire l'arrêt du djihad et que le fait que les kuffars prennent le dessus sur les musulmans. Alors que ce commerçant ou ce prisonnier, c'est un darar khas, c'est un mal qui est particulier à lui. Et on fait passer, ça fait partie des règles de l'islam, on fait passer quoi? Le bien de la communauté avant le bien de quoi? De l'individu. C'est une règle sociale universelle même, ça ne concerne pas que l'islam. En défendant quoi? Le territoire de l'islam. Et le fait de tuer ce prisonnier ou ce commerçant, on l'a dit, est un darar khas. C'est un mal qui concerne que lui. Il dit quoi? وَقَلَّمَا يَخْلُوا حِسْنٌ مِّن مُسْلِمٍ. Et il est très rare, il est très rare que quoi? Qu'il y ait une citadelle des kuffars dans laquelle il n'y ait pas de musulmans. Même à cette époque-là. On parle d'époque assez ancienne. Il dit, si on se retenait de tirer sur eux, on fermerait la porte de quoi? Du djihad fi sabilillah ta'ala, tout simplement. Al-Malikiya, ils ont dit, comme dans Sharh al-Kabir ala Mukhtasar Khalil, parmi les références dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ. S'ils prennent en... Comment ça s'appelle? S'ils prennent en bouclier humain un musulman. قُوتِلُوا وَلَمْ يُقْصَدْ تُرْسُ بِالرَّمِي وَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَنفُسِنَا لِأَنَّ الدَّامَ الْمُسْلِمِ لَا يُبَاحُ بِالْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ خِيف سَقَطَتْ حُرْمَةُ التُرْسِ وَجَازَ رَمْيُهُ. Et dit Sharh al-Kabir, il dit quoi? S'ils prennent comme bouclier humain un musulman, on les combat. Et on fait attention de ne pas tirer directement sur quoi? Sur le bouclier humain, sur ce musulman qui a été pris en bouclier humain. Pourquoi? Si on combat en ayant peur pour nous-mêmes. Il dit pourquoi? Parce que le sang des musulmans n'est pas rendu permis par le fait qu'on ait peur pour nous. Et ça, on l'a déjà vu dans des douloureux précédents par rapport à l'ikrah. Si une personne, un kafir, il te prend et te dit, si tu tues pas ce musulman, je te tue, t'as pas le droit de tuer le musulman. Le sang de l'autre, il n'est pas plus cher que ton sang et inversement. Donc si c'est un seul cas de peur, ça n'est pas permis. D'accord? Si par contre on a peur pour la plupart des musulmans, comme il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Saqatat hurmatat tufs. Ici, ce bouclier n'a plus de sacralité. Et on fait quoi? Wajaza ramyo. Et on lui tire dessus et on le tue. Parmi... chez les Shafi'ites, l'imam Shafi'i, rahimahullah, lui-même a parlé de cette question-là, pour montrer que c'est une question extrêmement ancienne dans l'Oum. Et il dit, rahimahullah ta'ala, « وَلَوْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ رَأَيْتُ أَنْ يُكَفُّ عَمَنْ تَتَرَّسُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُونَ مُلْتَحِمِينَ فَلَا يُكَفُّ عَنِ الْمُتَتَرَّسُ وَيُدْرَبُ الْمُشْرِكُ وَيْتَوَقَّ الْمُسْلِم جُهْدَهُ. هذا في الأم. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, si jamais ils prennent, si jamais ils prennent un bouclier humain, un muslim, il dit, on s'abstient de tirer sur eux. Allah, il dit, on ne fait quoi? Si jamais les musulmans sont en plein combat et mélangés avec les kuffars, on ne s'abstient pas de tirer sur le bouclier. C'est-à-dire, on lui tire dessus. Et on tue le mushrik et on essaye d'éviter le muslim tant qu'on le peut. Parmi les paroles des savants de l'école de l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « وَالْأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارِ لَوْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ وَخِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يُقَاتَلُوا عَفْوًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَرْمِيهِمْ وَنَقْصُدُ الْكُفَّارِ. » Il dit Ibn Taymiyyah, les savants sont unanimes, muttafiqun, il a ramené l'ijma. Et on a ramené les paroles chez l'Ahnaf, chez le Malikiya, chez le Shafi'i, ici chez le Hanabila, et un Hanbali nous ramène l'Ijma'a. Les imams sont unanimes. Comme quoi, si les mécréants prennent en bouclier humain des musulmans, et qu'on a peur pour les musulmans, si on ne les tue pas, il est permis de leur tirer dessus, mais on fait l'intention de tuer les kuffars. Et après, ici, une autre question. Il dit, Rahimahullah, وَلَوْ لَمْ نَخَفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَازَ رَمْيُ أُولَٰئِكَ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا. Il dit, si on n'a pas peur pour les musulmans, il est permis de tuer le musulman qui a été pris comme bouclier humain dans un des avis des savants. Et il explique pourquoi Ibn Taymiyyah dit quoi? وَمَنْ قُتْلَ لِأَجْلِ الْجِهَادِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ مَظْلُومٌ كَانَ شَهِيدًا وَبُعِثَ عَلَى نِيَّتِهِ. Et dit, quant à celui qui est tué dans un djihad qu'Allah et son messager ont ordonné, et qui est en réalité, qui a subi une injustice, c'est-à-dire il était vraiment un bouclier humain, ou il avait pas, où il était vraiment contraint à être avec les kuffars ou quoi que ce soit, il sera shahid. Et il sera ressuscité selon son intention. Il sera ressuscité selon son intention. وَلَمْ يَكُنْ قَتْلُهُ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ قَتْلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَاهِدِينَ. Et dit, sa mort à lui, c'est-à-dire une personne qui a été prise comme bouclier humain, une personne qui était contrainte dans l'armée des kuffars, une personne qui est restée volontairement dans la terre de Kufr sous le jugement du Tarot, alors que juste à côté il y a l'État islamique, cette gens-là, s'il est tué, ça ne sera pas pire que les Mujahidines, eux, qui ont été tués pendant le combat. Ça ne sera pas pire ou ça sera pire? Est-ce que c'est une pure corruption qu'il y ait des frères qui sont des musulmans, qui sont sortis avec l'armée islamique, qui ont fait le hijra, etc., qui soient tués pendant le combat, et qu'il y ait des gens qui, par exemple, ne font pas le djihad, pour la dunya, ils restent dans les endroits des kofars, des nusayriyas, des sahawats, etc., etc., et qu'ils soient tués? C'est pas une plus grande corruption, ça, que ça. Et ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, la page 537. Et le Cheikh Abu Abdullah al-Muhajir, après qu'il ait cité ces paroles des salafs et des ulama al-mutaqaddimin, il cite et il dit « Amma fi halatina al-yawm » dans notre état, aujourd'hui. « Wa illam yaf'al fatana al-kuffar al-turs bifitnat al-kufri wal-ridda haith yatamakkanu hukm al-taghouti fi l'ard wa yatarassakh wa tasbahu lahu al-sawla wal-dawla wa min thamma yastabihu dina al-muslimina wa hurumatihim ثم يساقون سوقا جميعا نحو الانسلاخ من الدين عبر حكمه وشرعه المضاد والمحارب لحكم الله وشرعه وواقع دول الطاغوت القائم منه منذ سنين طوال خير برهان وأوضحه. Et il dit, à notre époque, si jamais on laisse ces boucliers humains en tant que tels, c'est-à-dire les musulmans qui sont mélangés aux kuffars dans les endroits ou quoi que ce soit, et certains disent qu'il faut s'abstenir de faire des attentats dans ces endroits-là, dans une caserne de l'armée du Tarout, parce que juste à côté, il y a des habitations ou quoi que ce soit. Ces gens-là, ces gens de ces habitations, ces gens qu'on peut considérer comme des boucliers humains, c'est eux qui vont être tentés les premiers par la fitna du kufr. Car le jugement du Tarout va avoir le pouvoir sur la terre. Et il va même s'enraciner. Et il aura le pouvoir. Et de même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre permis la religion des musulmans, les sacralités des musulmans. Et il va les amener tous, et c'est ça le but du jugement du Tarot sur la terre, d'amener les peuples vers l'apostasie. C'est ça le but des kuffars en général. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion s'ils le veulent. Donc le but du Tarot, c'est quoi? C'est de ramener les peuples vers l'apostasie. Donc ne dis pas que tu fais preuve de miséricorde envers les gens du commun lorsque tu dis qu'il ne faut pas les bombarder les endroits du Tarout ou les terres de Kufr ou les endroits de Sahawat ou les endroits de Nusayriya. Puisque les Nusayriya, ils vont les faire apostasier. C'est pire qu'ils meurent ou qu'ils apostasient. Elle dit, et on le voit aujourd'hui à notre époque, dans les états de Tarout et dans la manière dont ils précipitent les gens vers l'apostasie. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.